makasama te no mokili ekokufa nanyama koka kosala na nga ndenge tozalaka suka likama okonda boboto na nzoto bozali mibale te awa na mokili lampereur chacho mbala kashogi tubin tibasu motema ya paola tibasu Je pense à toi, je suis malade. Oh, tes singes les supérieurs. Oh, toute la nuit, je ne songe qu'à toi. Pitié, Bétou. Ta beauté, ta façon d'être, me donne envie de te dorloter. Jean-Pi Loukoussa. Oh, mon refoudre, ton gagne, son gagne, la mouka canekla, ya mon congona, ya mon toi. Nanyangwa koka kozala na nga ndenge tozalaka suka likama Sambakela yo na biloko ya motel mosusu Nakoma bindobela pa promesse pamba pamba Nakosumbela yo avion potuka tolo pango Sangayo, papi kake Sangayo, papi kake Yangana yo e bandaki lokola lesano Tani na nzela To solo liye rodage ta di barrage To langwani a la folie Bato baka mwembo Papi kake o tonga Marwa kumwa kupe asi Santos, incomparable, Noéla Guadadino, Yahweh Akerayo, différent, Lolenge Abangenu, Anawio, Nakukate Nasangayo, Papi Kake, Paul Kalamba, Luigi Pamba, Motema Nathalie, Bon Atlanta, Yansami Kongengaka, Paunite, Nzaza Peso qui est fané, Namo Yangope et Ngaka. Kake yeba e matata yanga na yona lingaka yesu kana tata na tongo tango ngana kola mukana mona lopende nanga le grand prophète Noema Sikatenda Jacques maman Odia Francisca tonton Kolobise Geni Wara mon colonel Abiana Kibotense président bienvenue Matenda Godé Muntu Koko Ruben Arubensha Odinon Tanto Papi Bonjala Omar Kake Excellence Alain Akwala et honorable Gaïtan Kodia depuis Ponto Label. Excellence Youssoundou, Sénégal. Alain Kassongo, le titan de Nantes. Yvon Moussongo et Claudine. José Profa qui s'est mis premier. Laleli, Doudoumbala Koloba pièce. Papi Kaki Yon Songa. Parale Noyon Isonto Yemi. Elvis. chango nzola kisombe Poli monanga papi Eric Lusapueno Abazaka yo kate Edo Ntsonsa Aifute nanga chérie Eyo Kachala Jeno mango Ya ya ya bilo kake Jeno mango Wade tu ajitunga Papa na Aisha Emoa, Arsène Di Fouidi, Edi Nondona, Rino Makango, Abana London, Tupi Kaluji, Ike Mukeza, Tode Mbenza.